229, Role Playing and Reinvention of the Story. Listen to the two examples of role playing and reinvention of the story. Tiens, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Où vas-tu? Tu vas à la fac? Non, je ne vais pas à la fac. Tu vas à la Bibli? Non, je ne vais pas à la Bibli. Tu vas au resto U? Non, je ne vais pas au resto U. Excuse-moi, je suis fatigué. Salut. Au revoir. Tiens, Fido, bonjour, comment vas-tu? Ça va, oui? Tu vas bien? Moi aussi, ça va, merci. Tu vas à la fac? Ah non? Tu ne vas pas à la fac? Où est-ce que tu vas alors? Tu vas à la Bibli? Ah non? Bon, excusez-moi, hein, je suis pressé. Au revoir. Copyright 1994, Yale University.